proscrit et donc banni par Louis-Napoléon Bonaparte après son coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo se réfugia à Bruxelles d'abord, puis dans l'île franco-anglaise de Guernesey. C'est dans cette île qu'il écrivit son recueil Les Châtiments, publié en 1853. Au début de ce recueil de 6000 vers, écrit pour punir Napoléon III de ses crimes, Victor Hugo écrivait: Affirmons le progrès dans les châtiments même, la honte et non la mort.